que la souveraineté est indivisible. Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible, car la volonté générale, ou elle ne l'est pas, elle est celle du corps du peuple, ou seulement d'une partie. Mais nos politiques, ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet. Ils la divisent en force et en volonté, en puissance législative et en puissance exécutive, en droit d'impôt, de justice et de guerre, en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l'étranger. Tantôt, ils confondent toutes ces parties et tantôt, ils les séparent. Ils font du peuple souverain un être fantastique et formé de pièces rapportées. Après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces, on ne sait comment.